إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc comme promis, le thème de ce cours pour ce soir inshallah concerne la biographie, la vie d'un grand savant de ce siècle, du siècle passé, un grand savant du Maroc qui est connu mondialement parce que c'est un savant qui a beaucoup voyagé et qui a vécu dans beaucoup de pays, que ce soit des pays musulmans en général, mais il lui est arrivé aussi d'être, de se retrouver dans des pays occidentaux dans son parcours et qui a vécu presque 100 ans. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Et c'est Al-Allama, le grand savant Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah ta'ala. Donc pour sa biographie, hein, c'est celle qu'on retrouve en introduction à beaucoup de ses ouvrages et c'est la même pratiquement qu'on retrouve aussi sur le site qui lui est dédié. هو العلامة المحدث واللغوي الشهير الأديب البارع والشاعر الفحل والرحالة المغربي الرائد الشيخ السلفي الدكتور محمد التقي. Donc c'est le grand savant spécialiste dans le domaine du hadith, dans la langue arabe, le littéraire, le poète, le grand voyageur marocain, le cheikh salafi, le docteur Mohamed Taqi, al-ma'rouf bi Mohamed Taqiyuddin, connu sous le nom de Mohamed Taqiyuddin, kunyatuhu Abu Shakib, son surnom c'est Abu Shakib, haythu samma awwal waladin lah ala ismi sadiqih al-amir Shakib Arsalan, car le premier de ses garçons, il lui a donné le prénom de Shakib, qui était le prénom d'un grand ami de Cheikh Taqiyuddin al-Hilali, qu'on appelait Amir al-Bayan, le prince de l'éloquence, Shakib Arsalan, rahimahullah. Donc il est Cheikh Mohamed Taqiyuddin ibn Abd al-Qadir. Là on va voir sa lignée, et sa lignée elle arrive jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa lignée c'est Mohamed Taqiyuddin ibn Abd al-Qadir ibn al-Tayyib ibn Ahmed ibn Abd al-Qadir ibn Muhammad ibn Abd al-Nur ibn Abd al-Qadir ibn Hilal ibn Muhammad ibn Hilal ibn Idris ibn Ghalib ibn Muhammad al-Makki ibn Ismail ibn Ahmed ibn Muhammad ibn Abi al-Qasim ibn Ali ibn Abd al-Qawi ibn Abd al-Rahman ibn Idris ibn Ismail ibn Sulayman ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي وفاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد أقر هذا النسب السلطان الحسن الأول حين قدم سجلماسة سنة 1311 هجري La véracité de cette lignée, de cette affiliation, de cet arbre généalogique, le roi du Maroc de l'époque, Hassan al-Awwal, hein, en l'an 1311 de l'Hégire, et c'était l'année lorsque ce roi est passé, le sultan, il est passé dans la ville de Sejilmassa, aujourd'hui elle est connue sous le nom de Tafilalt au Maroc. Et donc c'est la ville où est né Cheikh Mohamed Taqiyuddin la même année, en l'an 1311 de l'Égir, ce qui fait à peu près 1892 à peu près. Nash'atuhu, son enfance, sa naissance. Wulida Cheikh Rahimahullah سنه 1311 هجريه بالقريه الفرخ وتسمى ايضا بالفيضه القديمه على بضعه اميال من الريصان وهي من بوادي مدينه سجلماسة. Donc le cheikh rahimahullah, il est né en l'an 1311 de l'Égir, ce qui fait à peu près 1892 de l'ère chrétienne, dans le village de Al-Farkh, qu'on appelle aussi Faida al-Qadima, hein, à quelques kilomètres de Al-Raysani, qui fait partie de la banlieue de la ville de Sijilmasa. Al-Ma'ruf al-Yom bi-Tafilalt, qui est connu aujourd'hui sous le nom de Tafilalt. Al-Waqi'a Janouban bi-Mamlakat al-Maghribiya, qui se trouve dans le sud du royaume du Maroc. Waqad tara'ara'a fi usrati 'ilmin wa fiqh. Et il a grandi dans une famille, il a passé son enfance dans une famille qui était connue pour la science et le fiqh. Faqad kana waliduhu wa jadduhu min fuqaha'i tilkal bilad. Et son père ainsi que son grand-père étaient des fuqaha de ce pays. Rahalatuhu li talab al-'ilm wa khidmatuhu lid-da'wa. Ses voyages qu'il a accomplis pour la quête du savoir et son service qu'il a donné au prêche et à la da'wa. قرأ القرآن على والده وحفظه وهو ابن 12 سنة. Donc il a appris le Coran et il l'a mémorisé auprès de son père. Alors il l'a terminé à l'âge de 12 ans. ثم جوده على الشيخ المقري أحمد بن صالح. Puis il est parti perfectionner sa leçon Coran avec la lecture, avec les règles du tajwid auprès du lecteur Ahmed ibn Salih. ثم لازم الشيخ محمد سيدية ابن حبيب الله التندري الشنقيطي. Puis il est parti étudier chez un cheikh mauritanien qui était présent dans leur région à l'époque, parce que le terme الشنقيطي veut dire mauritanien. الشنقيطي parce que la Mauritanie avant l'indépendance, elle s'appelait Bilad ou Shinqit. Et toute personne qui est de ce pays, on l'appelle Shinqiti. Comme les ulama qui sont connus, qu'on appelle Shinqiti. Donc Shinqiti, ça veut dire le Mauritanien. Comme là, ils disent Al-Jazairi, Al-Maghribi, eux, on leur disait Shinqiti. Et le nom de Mauritanie, ça leur a été donné qu'après l'indépendance. Donc, ce Cheikh Mohamed Sidiya ibn Habibillah al-Tandri, donc c'est une Kabila, Tandra, c'est une Kabila qui est en Mauritanie, connue. الشنقيطي فبدا بحفظ مختصر خليل. Il a commencé à étudier avec lui en apprenant, en mémorisant le مختصر de Khalil, يعني خليل المصري رحمه الله. Et le مختصر qu'il a fait, c'est un ouvrage dans le fiqh malikite, c'est un ouvrage de base chez les malikites, c'est un seul volume, et il est connu pour ceux qui étudient le fiqh malikite, c'est un des derniers ouvrages qu'il mémorise. وقرأ عليه علم اللغة العربية. Et il a étudié auprès de lui aussi les sciences de la langue arabe. والفقه المالكي, et le fiqh malikite. إلى أن أصبح الشيخ ينيبه عنه في غيابه. Il a tellement appris avec lui de sorte que le cheikh al-Shinqiti, lorsqu'il s'absentait de la ville ou du coin où il était, il demandait à Cheikh Taqiyuddin, qui était jeune, de le remplacer pendant son absence. وبعد وفاة شيخه توجه لطلب العلم على علماء وجدة وفاس آنذاك. Et après la mort de son cheikh, le cheikh Shinqiti rahimahullah, il est parti continuer sa quête du savoir auprès des savants de la ville de Oujda ainsi que la ville de Fès à cette époque. إلى أن حصل على شهادة من جامع القرويين. Jusqu'à qu'il a eu un diplôme de l'université de Al-Qarawiyyin. C'est une des plus vieilles universités au monde. C'est la qui est connue historiquement, bien qu'elle a perdu de sa valeur, mais pendant des siècles, c'était un lieu connu pour la science. C'est Jami' Al-Qarawiyyin. C'était comme l'Azhar qui est en Égypte, et c'est comme Al-Zaytouna qui est en Tunisie. Pendant des siècles, c'est les plus anciennes universités qu'on a dans le monde. Et Al-Qarawiyyin, à la base, elle fut fondée il y a plus de près de 1000 ans maintenant, par des habitants de Qarawan en Tunisie. Et c'est pour ça qu'elle porte leur nom, Al-Qarawiyyin, et ils sont venus à Fès et ils ont fondé cette mosquée et cette université qui existe toujours. ثم سافر إلى القاهرة ليبحث عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. Puis il a voyagé vers le Caire, en Égypte, pour chercher la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. فالتقى ببعض المشايخ أمثال الشيخ عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله. Il a rencontré certains savants de là-bas, parmi lesquels le cheikh Abdu'l-Zahir Abu Samh. Le cheikh Taqeddin al-Hilal, il a quitté sa ville exactement en 1910. En 1910 de l'ère chrétienne. Puis, après avoir passé par Oujda, Fès, cette région du Maroc, et il est parti au Caire, vers le début des années 20 de l'ère chrétienne. Et il a rencontré le cheikh Abdu'l-Zahir Abu Samh, qui plus tard ira émigrer à Mecca après l'arrivée de l'État de l'Arabie Saoudite, alhamdulillah, et la propagation de la Sunna et du Tawhid. Et ces savants d'Égypte, qui sont des savants de la Sunna et du Tawhid, sont appelés à servir dans les terres sacrées. Et ce sera un des imams de la mosquée sacrée et un des enseignants de Masjid al-Haram. Et ce sera un des fondateurs de Mahad, d'un institut connu qui existe jusqu'à aujourd'hui, Darul Hadith al-Khayriya. Darul Hadith l'Institut du Hadith qui est à Mecca. Hada Sheikh Abdul Zahir Abu Samh Rahimahullah. Wa Sheikh Rashid Rida, qui est connu, c'est celui qui avait la revue qui était connue qui s'appelait Al-Manar Rahimahullah. Wa Sheikh Mohamed al-Rammali Rahimahullah wa ghayruhum. كما حضر دروس القسم العالي بالأزهر. De même qu'il a assisté aux cours universitaires de Al-Azhar. ومكث بمصر نحو سنة واحدة. Il est resté une année comme ça en Égypte. يدعو إلى عقيدة السلف ويحارب الشرك والإلحاد. Il appelait à la croyance et au dogme des pieux prédécesseurs et il combattait le polythéisme et la mécréance et l'athéisme. وبعد أن حج توجه إلى الهند. Et après avoir accompli le pèlerinage, il s'est dirigé vers l'Inde pour y chercher la science du hadith, car l'Inde, à l'époque, le Pakistan n'existait pas. Le Pakistan, le Bangladesh, le Sri Lanka, tous ces pays, c'est l'Inde. C'était l'Inde. C'est qu'après qu'il y a eu la séparation. C'est pour ça qu'ils se ressemblent, c'est tous des Indiens. Donc, et à l'époque, donc à son époque, c'était toujours l'Inde. Et donc, et là, on est dans les années 20 toujours. Parce que là, ce moment où il va faire son pèlerinage, ce n'est pas encore l'État saoudien. Il faut vous dire que lui, quand il arrive là-bas, c'est encore le califat ottoman. Il a connu le... C'était l'époque, il y avait encore... Puisque le califat ottoman, il a été aboli en 1924. Et donc, quand il arrive à Mecca, c'est toujours le dirigeant, c'était Sharif Mecca, le représentant du sultanat d'Istanbul, du sultan ottoman. Et donc, et puis c'était la période où les soufis avaient une prise là, donc à Mecca et Medina. Donc, il a connu les terres sacrées à l'époque soufie, mais à l'époque où ça a été nettoyé et que la sunna fut propagée, comme on le verra. Et il a même des anecdotes qu'il raconte. Parce que le cheikh, on lui a demandé dans les années 70 d'écrire un peu sur sa vie, parce que sa vie, elle est impressionnante. Et donc, il a écrit de mémoire de 1920 à 1970, la da'wah qu'il a fait de 1920 à 1970. Et quand il raconte, lorsqu'il est parti à Mecca, il raconte que c'était à l'époque où il y avait encore le soufisme. Il raconte même des savants qui sont connus. Qu'est-ce qu'il faisait comme acte, et puis les discussions qu'il a eu, des dialogues qu'il a eu avec eux, des confrontations qu'il a eu avec eux. Et il y en a un qui était connu, un Shinqiti, qui s'appelle Mohamed Habibullah Wilmayab Shinqiti, qui a un livre connu qui s'appelle Zadul Muslim fi Mattafaqa alayhi al-Bukhari wa Muslim. C'est un livre qui comporte les hadiths Mattafaqa alayhi entre le Bukhari et Muslim. Mais c'était un cheikh soufi. Et il dit même, cheikh Taqiyuddin, je l'ai vu en train de mettre de l'eau de Zemzem sur les traces des pas de Ibrahim alayhi salam, Maqam Ibrahim. Maintenant, il y a un bocal en verre qui le couvre. On ne peut pas y avoir accès. Bah, apparemment, à l'époque, ils y avaient accès. Au Maqam Ibrahim, la station d'Abraham. Et donc, ils mettaient du zemzem. Donc, comme c'est les traces des pièces, ça fait un creux. Donc, il y a de l'eau qui stagne dedans. Et avec sa langue, il léchait. Il cherchait la baraka. Et ça, c'était un cheikh, soi-disant, connu. Il dit de lui qu'il connaissait le Bukhari et Sahih Muslim comme l'un d'entre nous connaît le Fatiha. On dit la mémorisation qu'il avait. Mais avec ça, regardez, le fait de ne pas être sur la bonne voie des pieux prédécesseurs, où est-ce que ça peut amener. طيب. وبعد أن حج توجه إلى الهند. Et donc après avoir accompli le pèlerinage, il s'est dirigé vers l'Inde. لينال بغيته من علم الحديث. Pour avoir son but qu'il voulait comme science de hadith. Car pendant ces derniers siècles passés, le pays qui était connu pour préserver les hadiths, la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et en être des spécialistes et des connaisseurs, c'était les ulama de l'Inde, les savants de l'Inde. Ils étaient connus pour ça. Et d'abord même, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de ulama qui ont des isnad sur les livres des hadiths, ils ont des chaînes de narration dans les livres de hadiths, eh bien, elles rejoignent toujours les savants de l'Inde. Car c'était, ces derniers siècles, c'était eux qui étaient connus pour préserver cette science importante. Et ils appelaient à cette science. Et ils étaient connus aussi pour les instituts de hadith. Darul Hadith, c'est très connu en Inde. Ils en ont plusieurs. Et de ulama dans cette science-là. Et même beaucoup de ulama de pays arabes allaient étudier et enseigner, surtout du Yémen. Ils allaient dans ce pays-là. Et puis en plus de ça, il y avait un territoire de l'Inde qui s'appelle Bohobal. Bohobal, c'était un royaume. Et il y avait une femme qui était reine, musulmane. Et il y a un homme, un grand étudiant en science, qui sera un grand savant. Et là, après avoir terminé ses études en Inde, il va aller chercher du travail à Bohobal. Lorsqu'il arrive à Bohobal, il plaît à la reine. Elle le prend comme mari et il devient le roi de Bohobal. C'était un savant et un roi. Et il a participé à la propagation des livres de hadith. Des livres de hadith. Et ce cheikh-là, c'est le cheikh Siddiq Hassan Khan al-Qannouji. Rahimahullahu ta'ala. Donc, il va en Inde pour chercher la science du hadith. فالتقى علماء أجلاء إلى rencontré des nobles savants هناك là-bas فافاد واستفاد et il leur a fait profiter de ce qu'il avait et ils lui ont fait profiter de ce que eux avaient ومن أجل من أجل العلماء الذين التقى بهم هناك المحدث العلامة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري رحمه الله تعالى et parmi les meilleurs et les plus nobles parmi les savants qu'il a rencontrés là-bas, il y a le grand savant, le muhaddith, al-Sheikh Abdul Rahman ibn Abdul Rahim al-Mubarak Furi, sahib Tuhfat al-Ahwazi, bi sharh Jami' al-Tirmidhi, l'auteur du grand commentaire de Sunan al-Tirmidhi, Tuhfat al-Ahwazi. Il est mort à peu près en 1932-1933. Et dans cet ouvrage, à la fin, il y a sa biographie qui est faite, et parmi les élèves, il est cité le nom de Cheikh Taqiyuddin al-Hilali. Il est mort en 1932 à peu près. Wa akhadha anhu min ilm al-hadith wa ajazahu. Et Tuhfat al-Ahwazi a été terminé par un proche de Cheikh Abdul Rahman ibn Abdul Rahim al-Mubarak Furi, un grand savant de l'Inde, qui s'appelle Al-Sheikh Ubaidullah Al-Ruhmani Al-Mubarak Furi Rahimahullah. Al-Sheikh Ubaidullah, il est mort en 1994. Il avait presque 100 ans aussi quand il est mort. Et c'est lui qui avait terminé sous l'ordre de Cheikh Abdurrahman Ibn Abdurrahim Tahfat al-Ahwazi. Celui qui a terminé la fin du livre. Et c'était un grand savant qui était le président de Ahl al-Hadith, les gens du Hadith de l'Inde. Et c'était aussi Raïs al-Jami' al-Salafiyya bi Banars. C'était le président de l'université Salafi de Benares qui est en Inde. Et tellement qu'il était connu pour son savoir que Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, rahimahullah, lorsqu'il fut questionné sur qui sont les grands savants de la Sunna de cette époque, il a dit, au jour d'aujourd'hui, on est dans les années 90, je n'en connais que deux. Cheikh Abdelaziz ibn Baz, le mufti de l'Arabie Saoudite, et Cheikh Ubaidullah al-Rahmani en Inde. Rahimallah al-Jami'a. Et de la même famille, il y a le Cheikh Safiyur Rahman al-Mubarak Fouri, celui qui a fait le nectar cacheté. Vous connaissez le livre, la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est de la même famille. Et c'était lui à son époque aussi, il est mort il y a quelques années de ça, il y a 2 ou 3 ans, rahimahullah. C'était aussi Raïs al-Jami' al-Salafiyya bi Banars. وأخذ عنه من علم الحديث وأجازه. Et il a appris de lui, donc Cheikh Taqi al-Din, il a appris de ce Cheikh la science du hadith, et ce Cheikh lui a donné la permission de l'enseigner. Ajaza, il lui a donné l'ijaza. وقد قرضه بقصيدة يهيب فيها بطلاب العلم إلى التمسك بالحديث والاستفادة من الشرح المذكور. Et Cheikh Taqi al-Din Hilali, il est connu pour être un maître dans la langue arabe et un grand poète en tant que savant dans la science religieuse. Et il avait fait un poème pour parler en bien de ce cheikh et de la science du hadith qu'il enseigne et des mérites de son livre qui est le commentaire de Sunan al-Tirmidhi. وَقَدْ طُبِعَتْ تِلْكَ الْقَصِيدَ فِي الْجُزْءِ الرَّابِعِ مِنَ الطَّبْعَةِ الْهِنْدِيَّ. Et ce poème, il a été mis dans le volume 4 de ce commentaire dans l'édition indienne du livre. كما أقام عند الشيخ محمد بن حسين بن محسن الحديد الأنصاري اليماني نزيل الهند وأنذاك. De même que il a rencontré le Cheikh Mohammed ibn Hussein ibn Muhsin al-Hadid al-Ansari al-Yamani. Donc un cheikh qui était originaire du Yémen et qui est venu s'installer en Inde à l'époque. Wa qara'a 'alayhi atrafan min al-kutub al-sitta. Et il a étudié auprès de lui, auprès de ce cheikh d'origine yéménite, hein, une bonne partie des 6 livres du hadith. Al-Kutub al-Sitta, c'est-à-dire Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i ou Sunan ibn Majah. C'est ce qu'on appelle le Kutub al-Sitta. Wa jazahu aydan. Et il lui a donné la permission de transmettre, d'enseigner ses livres. Et il y a aussi un grand savant indien, qui à l'époque aussi, un grand savant yéménite, je veux dire, qui s'était installé à l'époque en Inde et qui a participé à la propagation et à l'édition des livres de hadith, qui est Cheikh Abdurrahman ibn Yahya al-Yamani al-Muallimi, rahimahullah ta'ala, qui plus tard ira terminer sa vie à la Mecque et il était le doyen de la Maktaba, de la bibliothèque de Masjid al-Haram. Il a été retrouvé mort, sa tête posée sur le livre, rahimahullah ta'ala, dans les années 60. ومن الهند توجه إلى الزبير البصرة. De l'Inde, après, il s'est dirigé vers un village qui s'appelle Az-Zubayr, qui est près de Bassora, dans le sud de l'Irak, pas loin du Koweït. في العراق, en Irak. حيث التقى العالم الموريتاني السلفي المحقق شيخ محمد الأمين الشنقيطي. Et là-bas, il a été à la rencontre d'un grand savant. Chenqi était d'origine mauritanienne, donc, salafi, connu pour sa science, pour sa grande science, Mohamed al-Amin al-Shinqiti. Ce n'est pas l'auteur de Adwa al-Bayan, l'auteur du commentaire du Coran, qui était connu en Arabie. Celui-là, il est venu après. Non, celui-là, c'est un shir Shinqiti qui a le même nom, Mohamed al-Amin ibn Mohamed al-Mukhtar, le même nom, Au début, la même affiliation, mais ce n'est pas les mêmes personnes. Celui-là, il est né à peu près en 1870. Et il est mort en 1933, à peu près. Et il a ouvert une école, une école à Az-Zubayr, et il était enseignant dedans. Et donc, Cheikh Taqiyuddin al-Hilali, il est parti à sa rencontre pour apprendre aussi de lui. Mu'assis Madrasat al-Najah al-Ahliya biz-Zubayr. Donc, c'est le fondateur de cette école. L'école al-Najah al-Ahliya al-Zubayr. Donc là, il le précise. Hein. Et ce n'est pas le grand savant commentateur du Coran connu hein, pour avoir écrit Adwa al-Bayan. Ça, c'est un autre cheikh. C'est Cheikh Mohamed al-Amin ibn Mohamed Mokhtar al-Shimqiti al-Jakani de la tribu de Tajakan. C'est une grande tribu connue en Mauritanie. Et qui, lui, est né, à peu près en 1905. Et qui est venu dans les années 40 en Arabie. Il était venu faire le Hajj. Et son voyage a duré près de 6 mois par voie terrestre. Et il a écrit un livre de près de 300-400 pages où il explique son voyage, tout ce qui s'est passé dedans. Très beau, très bel ouvrage. Et donc il a pris tout son temps jusqu'à qu'il arrive en Arabie. Des émirs saoudiens l'ont vu pendant le Hajj. Et ils ont vu le savoir qu'avait cet homme. Et ils lui ont demandé, et ils ont insisté pour qu'il reste. Et il est resté, et ce fut le professeur de beaucoup de ulama d'Arabie Saoudite, et il a écrit son grand ouvrage, ce tafsir du Coran, qui s'appelle Adwa al-Bayan, qui est connu, et il est mort en 1973, rahimahullahu ta'ala. Donc là, c'est pour dire différencier de, parce qu'il y en a beaucoup qui ne font pas la distinction. Wastafada min ilmihi, et il a profité de son savoir. Wa makatha bil Iraq. Et il est resté là-bas, en Irak, près de 3 ans. Et pour l'anecdote, le Cheikh Shinqiti, celui qui était à Zubayr, il lui a donné sa fille en mariage. Cheikh Taqiyuddin était marié avec la fille de ce Cheikh Shinqiti. Thumma safara ila al-Saoudiya mururan bi Misr. Puis il est retourné, il a voyagé vers l'Arabie en passant par l'Égypte. Et là, ça y est, c'est déjà l'État saoudien. C'est les Saoudiens qui ont pris le pouvoir dans les territoires. حيث أعطاه السيد محمد رشيد رضا توصية وتعريفا إلى الملك عبد العزيز آل سعود قال فيها. Et donc, il avait un message écrit par le Seyyid Mohamed Rashid Rida, rahimahullah, pour le roi, pour lui présenter qui est Cheikh Taqiyuddin. Parce qu'il est en Arabie, après la prise de pouvoir de Al Saoud. Abdelaziz al-Saoud, rahimahullah, et Sayyid Rashid Rida était très connu. C'est un savant, il a un magazine très connu à l'époque, et son magazine, pour l'anecdote, vous m'excusez, je ferai beaucoup d'anecdotes, son magazine, ça a été la cause pour laquelle Cheikh Nasruddin al-Albani a étudié le hadith. Subhanallah. Dans sa jeunesse, il est passé devant la mosquée des Omeyyades, et il y avait un vendeur de livres qui vendent par terre. Et il a trouvé un numéro de ce magazine. Et il y avait dedans des articles sur le hadith. Et lorsqu'il a lu ces articles, ça a été le déclic, si on peut dire, le déclic pour l'étude du hadith. Et puis plus tard, on sait qui sera Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et donc, il a, comme lui, il y va, il connaît pas ce nouveau roi, donc il lui a écrit un mot pour le présenter. Qala fiha, il lui a écrit dedans, Inna Muhammadan Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi, afdalu man ja'akum min ulama'il afaq. Il lui dit, cet homme qui vient, Muhammad Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi, est le meilleur des savants qui est venu de l'étranger vers vous. فَأَرْجُوا أَنْ تَسْتَفِيدُوا مِنْ عِلْمِهِ. Et j'espère que vous allez profiter de son savoir. فَبَقِيَ فِي ضِيَافَةِ الْمَلِكِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِضْعَةَ أَشْهُرُ. Et donc, il a été sous l'hospitalité du roi Abd al-Aziz. Plusieurs mois. بِضْعَةَ أَشْهُرُ. Le mot بِضْع en arabe, c'est pour dire entre 3 et 9. Donc c'est entre 3 et 9 mois. Lorsque c'est entre 3 et 9, on dit le mot terme بِضْع. Comme dans le hadith, al-iman ou bid'un والستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة c'est-à-dire entre 63 et 69 ou entre 73 et 79. Donc il est resté plusieurs mois sous l'hospitalité du roi Abdelaziz Al-Saoud rahimallahu al-jami'a. إلى أن عين مراقبا للتدريس في المسجد النبوي وبقي بالمدينة سنتين. Et il fut nommé responsable de l'enseignement dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui, si on peut dire, l'inspecteur de l'enseignement dans, le contrôleur de l'enseignement dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est resté dans la, à Médine pendant deux ans. Il est resté deux années. ثم نقل إلى المسجد الحرام. Puis on lui a, il a été muté vers la mosquée sacrée à la Mecque. والمعهد العلمي السعودي بمكة. Et comme enseignant à l'institut scientifique saoudien à la Mecque. وأقام بها سنة واحدة. Et il est resté là-bas une année. وبعدها جاءته رسائل من إندونيسيا ومن الهند تطلبه للتدريس بمدارسها. Après cela, il a reçu beaucoup de courriers provenant d'Indonésie et d'Inde qui lui demandent de venir chez eux pour enseigner. فرجح قبول دعوة الشيخ سليمان الندوي رحمه الله رجاء أن يحصل على دراسة جامعية في الهند. Et il a préféré répondre à l'invitation de l'Inde, hein, de Sheikh Sulaiman al-Nadwi, qui avait une école connue là-bas. Hein, et pourquoi? Parce qu'en même temps, il a dit, je pourrais peut-être faire des études universitaires pour avoir un diplôme universitaire en Inde. وصار رئيس أساتذة الأدب العربي في كلية ندوة العلماء في مدينة لكنه بالهند. Et donc, il est parti donc à Lucknow, c'est en Inde, et il était le président, hein, le doyen des professeurs de la littérature arabe dans la faculté de Nadwat al-Ulama, la faculté de Nadwat al-Ulama en Inde. حيث بقي ثلاث سنوات تعلم فيها اللغة الإنجليزية. Et il est resté là-bas trois ans à enseigner. Il prenait l'ilm al-hadith et lui, il leur enseignait la langue arabe et la littérature arabe et la poésie arabe. Et c'était une occasion pour lui d'apprendre la langue anglaise. Et pour l'anecdote encore, les traductions du Coran qu'on a, qui viennent de Médine, la traduction anglaise, c'est la sienne. Les Anglais, la traduction du Coran qu'ils ont, qui vient de Médine, du complexe du roi Fahd de Médine, eh ben c'est la traduction de Cheikh Mohammed Taqiuddin al-Hilali, rahimahullah ta'ala. Il l'a fait avec un autre, je crois, un Indien, qui s'appelle Cheikh Mohsin Khan, rahimahullah. وَلَمْ تَتَيَسَّرْ لَهُ الدِّرَاسَ الْجَامِعِيَّ بِهَا. Mais, pendant ces trois années, il n'a pas eu l'occasion de pouvoir suivre des études universitaires là-bas. وأصدر باقتراح من الشيخ سليمان الندوي وبمساعدة تلميذه الطالب مسعود عالم الندوي مجلة الضياء. Et il a fondé sous la demande du direct du président de l'université Cheikh Sulaiman al-Nadwi avec l'aide d'un de ses élèves qui s'appelle مسعود عالم الندوي رحمه الله تعالى. هذا مسعود عالم الندوي, il a écrit un bel ouvrage sur la biographie de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Donc c'est un livre qui existe en arabe avec l'introduction faite par la préface faite par Cheikh Taqiyuddin al-Hilali rahimahullahu al-jami'a. Et ils ont fait un magazine qui s'appelait Ad-Diya. ثم عاد الى الزبير. Puis après il est retourné en Irak à Zubair البصرة بصورة وقام بها ثلاث سنين. Et il est resté encore trois années معلما بمدرسة النجاح الأهلية, en tant qu'enseignant dans l'école qu'on a cité tout à l'heure, المدرسة النجاح الأهلية المذكورة آنفا. وبعد ذلك سافر إلى جنيف بسويسرا. Puis après cela, il a voyagé en Suisse, à Genève. وأقام عند صديقه أمير البيان شكي برسلان. Et il a été l'hôte de son ami, qu'on appelle l'émir de l'éloquence, Shakib Arsalan, qui à ce moment-là habitait à Genève. وكان يريد الدراسة في إحدى جامعات بريطانيا. Et Cheikh Taqiyuddin voulait faire des cours universitaires, prendre des cours universitaires dans une des facultés anglaises, britanniques. فلم يتيسر له ذلك. Mais la tâche ne lui a pas été facilitée. فكتب الأمير شكيب رسالة إلى أحد أصدقائه بوزارة الخارجية الألمانية. Et donc Shakib Arsalan, rahimahullah, a écrit une lettre à un de ses amis qu'il connaît, une connaissance à lui, dans le ministère des Affaires étrangères allemandes de l'époque. On est à l'époque de Hitler. On est dans les années 30. Hein? C'est l'époque hitlérienne. يقول فيها. Et donc il lui a écrit une lettre pour lui demander est-ce que tu peux le prendre comme il veut faire des années dans l'université. عندي شاب مغربي أدي ما دخل ألمانيا مثله. Il a dit j'ai un jeune marocain connu pour être littéraire et il lui dit jamais un comme lui est entré en Allemagne. Pour dire la place qu'il a auprès de lui. وهو يريد أن يدرس في إحدى الجامعات. Et il veut étudier dans une des universités. فعسى أن تجد له مكانا لتدريس الأدب العربي براتب يستعين به على الدراسة. Il a été même plus loin, il lui a dit j'espère que vous allez lui trouver une place comme enseignant de la littérature arabe dans vos universités, comme ça vous pourrez lui donner un petit salaire pour qu'il puisse payer ses études que lui veut faire. وسرعان ما جاء الجواب بالقبول. Et rapidement il y a eu la réponse pour l'acceptation. حيث سافر الشيخ الهلالي إلى ألمانيا وعين محاضرا في جامعة بون. Et donc الشيخ الهلالي il est parti donc en Allemagne et il a été nommé un professeur à l'université de Bonn. وشرع يتعلم اللغة الألمانية. Et il s'est empressé à étudier la langue allemande. Après ça sera une langue très normale pour lui, hein. Le Cheikh Taqiyuddin Hilali, donc c'était un maître dans la langue arabe, mais il avait la maîtrise de l'espagnol, de l'allemand, de l'anglais, et c'était un spécialiste de l'hébreu. Enam. حيث حصل على دبلومها بعد عام. En une année, il a eu son diplôme pour la langue, pour l'apprentissage de la langue allemande. ثم صار طالبا بالجامعة مع كونه محاضرا فيها. Donc, et puis, il est devenu étudiant. Il pouvait étudier parce qu'il avait la langue allemande dans l'université. Et au même moment, il était professeur. Il était étudiant d'un côté et professeur de l'autre. وفي تلك الفترة ترجم الكثير من الألمانية وإليها. Et pendant cette période qu'il va vivre en Allemagne, hein, il va beaucoup traduire de choses arabes en langue allemande et vice versa. وبعد ثلاث سنوات في بون انتقل إلى جامعة برلين طالبا ومحاضرا ومشرفا على الإذاعة العربية. Et après trois ans passés à Bonn, il va aller à l'université de Berlin. En tant que pour terminer ses études universitaires et en tant que professeur aussi dedans et aussi en tant que superviseur de la radio allemande en langue arabe. C'était lui le responsable. Ils l'ont nommé responsable de la radio arabe. Et dans les pays arabes à l'époque, il était connu parce qu'il faisait des discours dans cette radio et les gens entendaient sa voix dans les pays arabes qui arrivaient à capter la radio allemande en langue arabe, mais ils ne l'avaient pas vu. وفي سنة 1940 ميلادية قدم رسالة الدكتوراه. Et en l'an 1940, on est en pleine Seconde Guerre mondiale, il est à Berlin. Il présente son doctorat. حيث فند فيها مزاعم المستشرقين أمثال مارتن هارثمان وكارل بروكلمان. Et donc, ce sera le sujet, c'est une réfutation sur les propos ou les propos que prétendent les prétentions des orientalistes. Al-Mustashriqin, c'est les orientalistes. Aujourd'hui, on les appelle les islamologues. À l'ancienne, c'était les orientalistes. Et ils répondent à leurs erreurs. Comme Martin Huffman ou Karl Brueckelmann, ça, ce sont des grands orientalistes connus à l'époque. وكان موضوع رسالة الدكتوراه ترجمة مقدمة كتاب الجماهر من الجواهر مع تعليقات عليها. Et le sujet de son doctorat, c'était la traduction de l'introduction de ce livre qui s'appelle Al-Jamahir min al-Jawahir, avec des annotations et des explications dessus. وكان مجلس الامتحان والمناقشة من عشرة من العلماء. Et le conseil qui allait superviser et qui allait étudier la thèse de doctorat était fait de 10 grands professeurs. وقد وافقوا بالإجماع على منح شهادة الدكتوراه في الأدب العربي. Et il y a eu unanimité chez eux pour lui donner son doctorat dans la littérature arabe. وأثناء الحرب العالمية الثانية سافر الشيخ إلى المغرب. Et donc, et en pleine Seconde Guerre mondiale, il est retourné au Maroc. وفي سنة 1947 ميلادية سافر إلى العراق. Et en 1947, il est retourné en Irak. وقام بالتدريس في كلية الملكة عالية ببغداد. Et il était enseignant à la faculté de la reine Alia, parce que l'Irak était un royaume à l'époque. Jusque dans les années 50, c'était un royaume. C'est les militaires qui en ont fait une république lorsqu'ils ont fait leur coup d'État. Et le roi de l'Irak de l'époque, c'était le cousin du roi de Jordanie. C'était son cousin. Et donc, il était professeur en 1947 à Bagdad, dans la faculté de la reine Aliya. Il a enqam l'inqilab al-askari fil Irak, faradaraha ila al-Maghrib, sanata 1959 miladiya. Et après qu'il y ait eu le coup d'État militaire en Irak, il a quitté la Mazal. Il l'a quitté l'Irak pour aller au Maroc en 1959. C'est-à-dire qu'il était professeur à la faculté de Bagdad pendant 12 ans. De 1947 à 1959. Pendant 12 ans. Wa shara'a athna iqamatihi bil Maghrib mawtinahu al-asli fi ad-da'wati ila tawhid Allah wa nabdh ash-shirk wa ittiba' nahj khair al-qurun. Et pendant qu'il était au Maroc, hein, il a entamé son prêche et son appel, hein, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le combat contre le polythéisme. Et il a appelé au suivi de la voie des pieux prédécesseurs. Wa fi hadhihi as-sana, sanata 1959, 'uyyina mudarrisan bi jami'ati Muhammad al-Khamis bil Ribat, thumma bi far'iha bi Fas. Et donc l'année où il est arrivé en 1959, il a été nommé professeur à l'université Mohamed V de Rabat. Puis, son annexe, il était professeur dans l'annexe de cette université qui se trouve à Fès. Wa fi sanati 1968 miladiya, talaqqa da'watan min samahati Sheikh Abdel Aziz ibn Baz, rahimahullah. Et en 1968, il a reçu une demande de la part du Sheikh Abdel Aziz ibn Baz, رحمه الله رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة آنذاك. Le président de l'université islamique de Médine à l'époque, c'était Cheikh Ben Baz, à la fin des années 60. للعمل أستاذا بالجامعة منتدبا من المغرب. Donc, il lui a demandé de venir enseigner à l'université islamique de Médine, en provenance du Maroc. فقبل الشيخ الهلالي. Et il a accepté cette demande. Il faut vous dire, En 68, le cheikh, il a 77 ans comme ça, à ce moment-là. Et puis il vient à Médine pour enseigner. فقبل الشيخ الهلالي وبقي يعمل بها إلى سنة 1974 ميلادية. Et le cheikh, donc, il est venu. Et il a enseigné à Médine jusqu'à l'année 1974, c'est-à-dire pendant 6 ans. Et pendant ces 6 années, c'est là où le cheikh Ibn Baz lui a demandé à lui et à Mohsin Khan, qui était aussi là-bas, de faire des traductions en anglais. Comme Cheikh Ben Baz, il a vu qu'il maîtrisait la langue anglaise, il leur a demandé de faire des traductions pendant qu'ils enseignent. Et ils ont traduit le Coran, donc en anglais, c'est la traduction officielle qui est connue. Ils ont traduit Sahih al-Bukhari en anglais. Ils ont traduit Al-Lu'lu'u al-Marjan fima attafaqa alayhi al-Shaykhan, un ouvrage qui englobe les hadiths qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est parmi les ouvrages qu'ils ont traduit pendant ces années-là. Rahimahumullah. حيث ترك الجامعة وعاد إلى مدينة مكناس. De sorte qu'il a délaissé donc l'université islamique de Médine et il est retourné à la ville de Meknès au Maroc, bil Maghrib, للتفرغ للدعوة إلى الله, pour s'adonner au prêche à Allah subhanahu wa ta'ala. فصار يلقي الدروس بالمساجد ويجول أنحاء المغرب ينشر دعوة السلف الصالح. Et donc il a voyagé dans beaucoup de contrées et de villes au Maroc. Il passait de mosquée en mosquée pour propager le prêche des pieux prédécesseurs. وكان من المواظبين على الكتابة في مجلة الفتح لمحب الدين الخطيب رحمه الله تعالى ومجلة المنار لمحمد رشيد رضا رحمه الله. Et il était resté constant dans l'écriture d'articles dans les deux magazines égyptiens connus, le magazine Al-Fath de Cheikh Muhibbuddin Al-Khatib rahimahullah et le magazine de Al-Manar de Mohamed Rashid Rida rahimahullah. Shuyukhuhu, ses professeurs, les shir chez qui il a étudié. Min shuyukhihi rahimahullah, parmi ses shuyukh rahimahullah, Al-Sheikh Mohamed Sidiya ibn Habibillah al-Shinqiti, Al-Sheikh Abdurrahman ibn Abdurrahim al-Mubarak Furi, الشيخ محمد العربي العلوي، الشيخ الفاطمي الشراوي، الشيخ أحمد سوكيرج، الشيخ محمد بن حسين بن محسن الحديدي الأنصاري اليماني، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، غير صاحب أضواء البيان. Ce n'est pas celui qui a fait أضواء البيان، comme je vous ai dit tout à l'heure. الشيخ رشيد رضا، الشيخ محمد بن إبراهيم، l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite, le grand professeur de Cheikh Ibn Baz. رحمهم الله جميعا. بعض علماء القرويين, certains savants parmi les professeurs de l'université de القرويين à Fès. بعض علماء الأزهر, et certains savants parmi les professeurs de l'Azhar lorsqu'il y était. مؤلفاته, ses ouvrages. مؤلفات الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله كثيرة جدا. Il a écrit beaucoup d'ouvrages. وجمعها ليس بالأمر الهين. Et il est très difficile de pouvoir les énumérer et de les retrouver. On ne les a pas tous retrouvés. لِأَنَّهَا أُلِّفَتْ فِي أَزْمِنَةٍ مُخْتَلِفَةٍ وَبِقَاعٍ شَتَّةٍ. Car les ouvrages ont été écrits à des moments différents et dans des lieux différents. وَمِنْهَا, et parmi lesquels il y a الزَّنَدُ الْوَارِي وَالْبَدْرُ السَّارِي فِي شَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِي. On a seulement le premier volume, un commentaire de Sahih al-Bukhari. الإلهام والإنعام في تفسير الأنعام مختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل الهدية الأساسية في الفقه رفعك للدليل الهدية الهادية للطائفة التجانية c'est un ouvrage sur les tijaniyya, la secte soufie connue. Et il est à savoir que le cheikh dans son enfance il était tijani, il était issu d'une famille tijaniyya, puis il se repentira de cette secte et après alhamdulillah c'est là où il est parti en étudier le hadith et la bonne aqida. Al-qadi al-adl fi hukm al-bina'i 'ala al-qubur. Al-'ilm al-ma'thur wal-'ilm al-mashhur wal-liwa' al-mansur fi bid'i al-qubur. Al al-bayt, la famille du prophète sallam, concernant la famille du prophète sallam. Al al-bayt, ma lahum wa ma 'alayhim. Hashiyatun 'ala kitab at-tawhid, li shaykh al-islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. C'est des annotations en fait sur le kitab Tawhid. Hashiyatun de même, ala kashfi shubuhat li Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Al-husam al-mahiq li kulli mushrikin wa munafiq. Dawa'u ash-shakin wa qami'u al-mushakkikin fi ar-radd 'ala al-mulhidin. Al-barahin al-injiliyah, c'est-à-dire les preuves de l'évangile. على أن عيسى داخل في العبودية وبريء من الألوهية. Les preuves prises de l'évangile comme quoi que Isa est un adorateur d'Allah et qu'il est innocent de ceux qui l'ont divinisé. فكاك الأسير العاني المكبول بالكبل التجاني فضل الكبير المتعالي ديوان شعر أسماء الله الحسنى قصيدة الصبح السافر في حكم صلاة المسافر sur les règles de la prière du voyageur. العقود الدرية في منع تحديد الذرية. Ça c'est sur l'interdiction de stopper les naissances, limiter les naissances. Ça c'est interdit en islam. On a le droit d'espacer, mais pas de stopper totalement les naissances. الثقافة التي نحتاج إليها مقال تعليم الإناث وتربيتهن مقال ما وقع في القرآن. Quand je dis مقال, c'est des articles qu'il avait écrit. ما وقع في القرآن بغير لغة العرب مقال. Ça c'est un article très important parce que depuis très longtemps la discussion a eu lieu. Est-ce que dans le, vous m'excusez, on rajoute quelques minutes ça, inshallah. C'est est-ce que dans le Coran il y a des mots qui ne sont pas arabes ou pas? C'est une discussion. Certains savants ont dit oui, dans le Coran il y a des mots, ils ne sont pas arabes. D'autres savants ont dit non, c'est une erreur. Tous les mots qui sont dans le Coran sont arabes. Puisqu'Allah il a dit bilisanin arabiyyin mubin, qu'il a été révélé dans une langue arabe claire, évidente. Puis, ceux-là qui ont dit c'est qu'en langue arabe, et ils ont répondu aux autres en leur disant que les noms propres, on les garde comme ils sont. Ibrahim, c'est pas un mot arabe. Ismaïl, c'est pas un mot arabe. Isa, c'est pas un mot arabe. Haroun, Moussa, c'est des noms de prophètes. Mais à la base, ce n'est pas. Il y en avait qui étaient hébreux, chacun est d'où ils venaient. Donc, leurs noms, on les garde comme ils sont. Mais le nom propre, le fait de les avoir gardés comme ils sont, ne fait pas dire que dans le livre, il y a des mots non arabes. Un livre écrit en français. On écrit un livre en français. Et puis, les acteurs du livre. Ce sont, par exemple, des noms de musulmans. Mohamed a dit, Mustapha est parti. Est-ce qu'on va dire que dans le livre, il y a des mots arabes? Non. Mais les prénoms, ils ne sont pas français. Les noms propres n'entrent pas dedans, comme les noms des villes, les noms des pays. Ça n'entre pas dedans. Mais Cheikh Taqiyeddin, il a fait une étude là-dessus, et il dit, à la base, il y a des mots, et on a des preuves qui ne sont pas arabes. Mais ce sont devenus des mots arabes. C'est ça la réponse en vérité. C'est que les Arabes les ont introduits et ils les ont arabisés. C'est-à-dire qu'ils les ont prononcés à leur manière. Ils les ont déformés pour les prononcer à leur manière. Comme tout le monde fait dans sa langue. Lorsqu'il va dire des mots, comme les prénoms. Un Français, il ne dit pas Mohamed. Il ne dit pas Rachid. Il ne dit pas Issa. Il y a des prononciations arabes que lui ne prononcera pas. Vous comprenez? Donc voilà comment c'est un article qui est très très important là-dessus. أخلاق الشباب المسلم مقال من وحي الأندلس قصيدة وفاته رحمه الله sa mort في يوم الاثنين الخامس والعشرون من شهر شوال 1407 هجرية الموافق لاثنين وعشرين يونيو 1987 ميلادية. Donc le lundi 25 Shawwal 1407 de l'Hégire, équivalent au 22 juin 1987. أصيبت الأمة الإسلامية بفاجعة ومصيبة يصعب على القلم وصفها وهي مصيبة موت الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله. Un grand mal qui a touché cette communauté, toute la nation musulmane, la mort de ce grand savant, rahimahullah ta'ala. وذلك بمنزله في مدينة الدار البيضاء بالمغرب. Parce qu'à la fin de sa vie, il a terminé sa vie à Casablanca. Et donc il est mort dans sa demeure, dans sa maison, dans la ville de Casablanca, au Maroc. وقد شيع جنازته جمع غفير من الناس يتقدمهم علماء ومثقفون وسياسيون. Et beaucoup de monde ont participé à ses funérailles. À leur tête, des savants, des intellectuels et des politiques qui ont voulu assister aux funérailles de Cheikh Mohammed Taqiuddin al-Hilali rahimahullah. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah ne prend pas le savoir des gens, hein, des cœurs des hommes, mais il prend le savoir en prenant la vie des savants, jusqu'à qu'il n'y ait plus de savants, et les gens prendront comme élite, comme leader, des ignorants, à qui on posera des questions, et ils répondront sans connaissance, sans savoir. Et en faisant cela, ils s'égareront et ils égareront les autres, rapporté par Al-Bukhari. Et parmi les paroles des savants concernant Cheikh Taqiuddin al-Hilali, on a ce témoignage de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, qui l'a connu, qui était un proche de lui. Et il y a une anecdote que raconte Cheikh Falah Ismail Mundakar, le Cheikh, le savant qui est au Koweït, hafidhahullah, que dans les années 70, il était assis dans l'assemblée de Cheikh Ben Baz. Il y avait du monde. Et il y a Cheikh Taqiuddin al-Hilali qui rentre. Et Cheikh Taqiuddin al-Hilali était quelqu'un qui voyait. Mais à la fin de sa vie, il a perdu sa vue. Rahimahullah. Et Cheikh Ben Baz, il est aveugle. Il n'est pas né aveugle. Il a perdu la vue à l'âge de 19 ans. Mais Allah, il lui a donné le savoir. Et il lui a donné la clairvoyance. Et comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui patiente sur ses deux biens aimés qui lui ont été prises et qui fait preuve de patience, il entrera au paradis en échange. Ses deux biens aimés, c'est ses yeux. Si quelqu'un, Allah, lui a pris la vue et il a fait preuve de patience, et bien Allah, en échange, il lui donne le paradis. Subhanallah. Et donc, et Cheikh Falah, il dit, en voyant la scène, et vous la retrouvez sur internet, et elle est même, je crois, traduite en français. Les paroles, il y parle, il s'est traduit en français. Et chacun va vers l'autre, mais avec ses mains, il essaie de le toucher. Et donc, comme ils sont aveugles les deux, ils font des mouvements avec leurs mains jusqu'à que chacun arrive à l'autre. Et ils se prennent dans les bras, ils se mettent à pleurer les deux. Subhanallah. Heureux de se retrouver. Rahimahumullah. Il dit à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et subhanallah, il notait, ceux qu'il avait de l'estime pour eux, ils notaient exactement quand est-ce qu'ils sont morts, à quel âge qu'ils sont morts, subhanallah. Et là, pour Cheikh Taqiuddin, il le fait. Et il dit, « Tuwfiya al-Shaykh, al-allamatu al-doktour, Muhammad Taqiuddin ibn Abd al-Qadir al-Hilali al-Husayni, fi al-Dar al-Bayda bil-Maghrib, fi yawmi al-Thulatha, al-Muwafiq 27 Shawwal, عام 1407 هجرية, فرحمهullah, rahmatan wasi'a, wa da'af lahu al-hasanat. » Il y a une petite différence de deux jours dans ce qui est, je ne sais pas où est-ce qu'elle est l'erreur. Wa kana mawliduhu, écoutez bien, fi Muharram min 'am 1311. Il dit, et il était né dans le mois de Muharram, c'est-à-dire le premier mois de l'année musulmane de l'an 1311 de l'Hijra. Akhbarani bi dhalika rahimahullah. C'est lui-même qui me l'a précisé, qu'il était né pendant le mois de Muharram. Mushafahatan fil Madina, il me l'a dit de vive voix à Médine. Wa bidhalika yakunu qad 'ash. Vu cela, on comprend qu'il a vécu 97 aman, 97 ans. Illa shahrayn wa ayyaman. Il lui manquait que 2 mois et quelques jours pour avoir les 97 ans. Et n'am. Après il dit wa kana 'aliman fadilan bathilan wus'uhu. Et c'était un savant noble, honorable, et qui mettait tous ses efforts dans le prêche à Allah subhanahu wa ta'ala. Aïna makan, là où il se trouve. Waqad tawwafa fi kathir min al-bilad. Et il a voyagé dans beaucoup de pays. Waqama bidda'wati ila Allah subhanahu fi Europa muddatan min al-zaman. Et il a prêché à Allah en Europe pendant une période. Il y a un frère qui, vous devez le connaître, Hassan Abu Asma. Il est connu à Roubaix, il était à Roubaix. À un moment donné, il était imam à une ville que vous avez à côté, là, en Belgique, Moucron. Moucron. On avait fait une daoura là-bas, il y a, je ne sais plus combien, 8 ans ou 9 ans en arrière. Et lui, quand il est venu là-bas, il a trouvé les vieux beaucoup prier comme la sunna. Il faisait beaucoup d'actes de sunna dans la prière. Il leur a demandé, c'est qui vous a appris cela? Ils ont dit, c'est un savant marocain, un vieux. Il nous a rendu visite dans les années 70. Et il est resté quelques jours avec nous et il nous apprenait comment faire la prière. Il leur dit, c'est qui? Ils ont dit, c'est Cheikh Mohamed Taqeddin al-Hilali. Rahimahullahu ta'ala. Lorsqu'il a entendu que dans le pôle Nord, il fait jour pendant des mois, ou il fait nuit pendant des mois, comment ils font pour les prières et pour le Ramadan? Il a demandé à un élève à lui, un ami à lui, un proche, de prendre sa voiture et de l'emmener jusqu'au pôle Nord. Du Maroc, il est parti jusqu'au pôle Nord pour voir de ses propres yeux. Et après, il leur a écrit un article pour leur expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Subhanallah. Wafil Hind, Wafil Jazir al-Arabiya, ainsi que en Inde, il a prêché, et ainsi que dans la péninsule arabique. Wadarrasa fil Jami' al-Islamiya bil Madinat al-Munawwara, et il a enseigné dans l'université islamique de Médine. Walahu Muallafat, et il a des ouvrages, il en a cité quelques-uns, on les a déjà vus. Et il dit Waqad khallafa ibnayni wa ibnatayni aw thalathan, et il a laissé comme enfant deux garçons et deux ou trois filles. Parmi ses épouses, il a une Allemande musulmane. Il avait comme épouse une Allemande, une Marocaine, ça c'est sûr. La fille de Chilkite qu'on a vue. Après, je ne sais pas le reste. Naam. Tayyib. Walahum walafat minha. Naam, ça on l'a lu. Wafaqahum Allah wa aslaha halahum. وقد صلى عليه جم غفير ودفن في مقبرة الدار البيضاء جمعنا الله به في الدار كالكرامة وخلفه على المسلمين بأحسن الخلف انتهى رحم الله الجميع. Et il y a bien d'autres choses qu'on pourrait dire, mais l'heure ne le permet pas. Puis j'espère que dans tout ce qu'on a vu, il y a inshallah suffisance et il y a bénéfice pour nous tous. Wa subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.